Je remercie Anne-Madeleine, qui c'est pour dire combien cette communication est une commande et pour vous dire que c'est assez éloigné de mes préoccupations et donc je vais essayer de m'y atteler le mieux possible. Avant d'établir une typologie, j'aimerais définir ici les contours de mon intervention et dire ce que j'entends par fête sous le règne de Louis XIV. Au-delà des fêtes solennelles et ou religieuses, Antoine Furetière, donc toujours lui, on l'a vu, mentionne dans son dictionnaire, je cite, « Fête en matière profane est une réjouissance que le peuple fait aux entrées, aux naissances des rois, etc. » On le dit en particulier des assemblées qui se font pour se divertir en des occasions de noces, de baptêmes, de bals, etc. On fit une grande fête ce jour-là chez Monsieur un tel. J'étais prié de cette fête. Je m'en suis donc tenu stricto sensu au mot fête dans son caractère singulier. Donc, si on pourra évoquer de temps en temps l'esprit de foyer, je rappelle bien le titre de la communication qui s'intéresse aux fêtes. Donc, cette mot fête rencontrée non seulement dans les sources, en essayant d'avoir une acception large avec les soupers, les collations, les bals, le théâtre, dès lors qu'il y avait une notion musicale, théâtrale ou de danse. Sans entrer toutefois dans la description détaillée de ces divertissements ou des répertoires qui ont été évoqués ici ou là. En fait, outre l'établissement d'une typologie, j'aimerais également m'attacher à la notion d'une fête privée et à ce qui la caractérise. Et pour tenter d'y parvenir, j'essaierai donc, à travers quelques exemples puisés au sein d'une cinquantaine d'événements recensés, de m'intéresser aux organisateurs et raisons de la fête, aux caractéristiques et déroulés de la fête elle-même, ce qui devrait permettre d'esquisser une réponse à la dialectique fête publique, fête privée, tout en sachant d'ores et déjà la difficulté à laquelle je m'attelle. Et donc, j'en viens tout d'abord à fête publique, fête privée, et je vais répondre directement à la question en disant l'impossible distinction, point d'interrogation. Dans le cadre de cette communication, l'ensemble des descriptions de fêtes que j'ai utilisées, que ce soit chez les mémorialistes d'Angers, Sourches, mais aussi les journaux comme la Gazette de France ou le Mercure Galant, qui permettent donc une diffusion de ces événements, excluent d'emblée les fêtes officielles organisées par le roi. Par ailleurs, pour établir mon corpus, j'ai pris en compte la date de l'événement, le ou les organisateurs, le ou les lieux, le ou les commanditaires, le ou les destinataires, les personnes présentes et les types de divertissements proposés. On va donc essayer, avec ces différents éléments qui seront pris en compte par la suite, d'établir une typologie de la fête privée, entre guillemets, entre 1682 et 1715. L'année 1682, vous le savez tous, marque l'installation de la cour et du gouvernement à Versailles. Cela marque aussi la fin de ce que Jean-François Solnon a appelé dans son ouvrage sur la cour de France, la cour galante. Les divertissements, autrefois spontanés et deviennent de plus en plus contraints et policés. C'est Spanheim qui, en 1690, le notera particulièrement dans sa description de la France, où il explique que tout cela, évidemment, est policé et que devient une obligation d'assister aux divertissements de cour. C'est cette même année, en décembre 1682, que le Mercure Galant institutionnalise des soirées d'appartement qui préexistaient pourtant dans l'ensemble des résidences royales. On en a pour preuve plusieurs mentions chez Madame de Sévigné qui évoquent déjà des divertissements semblables. Pour trouver quelques attraits à la nouveauté, il faut donc se tourner vers les fêtes que l'on peut qualifier dans l'immédiat et faute de mieux de privées. On entend sous ce vocable et présentement les fêtes organisées par toute autre personne que le roi ou toute autre institution que royale. Malgré cette pétition de principe, la distinction fête publique, fête privée semble le plus souvent impossible à faire parmi les divertissements organisés par les courtisans. Pour caractériser une fête, il faut en effet prendre en compte plusieurs critères. Si les fêtes qui se tiennent en ville, dans le cadre d'hôtels particuliers, d'aristocrates ou de parlementaires, à l'occasion de mariages notamment, sont clairement privées, comment qualifier par exemple celles qu'organisaient les courtisans à Versailles ou à Paris, dans leur hôtel ou en ville, dans leur appartement du château, voire dans l'appartement même du roi, dès lors que le roi ou sa famille y sont conviés? En effet, cette question sous-tend à elle seule plusieurs autres interrogations relatives, nous l'avons dit, aux commanditaires, à l'organisateur, à l'ordonnateur, aux artisans ou encore aux lieux et aux destinataires de la fête. Ces deux derniers aspects sont très importants car ils permettent un élargissement plus ou moins grand au public. Ainsi, une fête peut être privée dans le sens où elle est organisée par un particulier, lequel prend soin toutefois de l'ouvrir plus ou moins largement, donnant ainsi un aspect public. C'est le cas notamment de la fête organisée par le maréchal de Villars en 1714 en l'honneur de Milord Peterborough, ambassadeur d'Angleterre en France, lequel d'ailleurs n'assista même pas à la fête, la reine d'Angleterre, sa maîtresse, étant malade et il avait dû partir immédiatement pour l'Angleterre. Voilà ce qu'en dit le marquis d'Anjou le 13 août. Je cite. « Le maréchal de Villars lui avait préparé un grand souper et une grande fête dans le cours, mais il partit dès le soir. La fête préparée au cours fut fort décomposée par la grande pluie qui n'empêcha pourtant pas qu'il y vint une infinité de gens. On prétend qu'il y avait plus de 2000 carrosses. Il y eut une musique de trompettes, de timbales et de hautbois. Il y avait une grande illumination préparée, mais elle ne put pas tenir contre la pluie. » Les convives sont parfois moins nombreux, comme lors de la fête organisée par l'électeur de Bavière à Suresnes, au moment de son séjour en France en 1713. D'Anjou, toujours lui, le 21 mai, signale ainsi. « Il y vint plus de 500 carrosses de Paris et quelques-uns des carrosses pleins de masques. Le souper fut magnifique, comme le dîner l'avait été. » Toutefois, pour éviter la confusion, l'accès à ces fêtes reste parfois plus restrictif. C'est ce qui se passe le 22 février 1713 chez le duc d'Aussonne, où, nous rapporte d'Anjou, les masques n'entraient que par billet. La notion d'organisateur est aussi un élément à prendre largement en compte dans la typologie des fêtes privées. Les principaux en sont les membres de la famille royale, les ministres ou leurs femmes, les grands courtisans, ou encore les grands financiers et les grands parlementaires, en un mot, l'élite du royaume. Dans le corpus retenu, on peut aussi mentionner le nom de la marquise de Montespan, favorite déchue du roi, mais toujours présente à la cour jusqu'en 1691, et qui n'hésite pas à organiser de nombreux divertissements dans son appartement versaillais. On peut encore y ajouter plusieurs autres courtisans qui organisent divers divertissements, essentiellement des mascarades, dans leur appartement à Versailles. Un autre nom, enfin, ne doit pas être oublié, c'est celui de Antonio Alvarez de Toledo, duc d'Albe. L'ambassadeur d'Espagne en France de 1703 à 1711 fut l'un des plus grands organisateurs de fêtes à Paris. Et il n'est pas impropre de parler ici de véritable foyer, si ce n'est artistique, au moins festif. Évoquant les nombreux divertissements offerts par le diplomate et son épouse, le Mercure Galant écrit ainsi en juin 1704 « Je ne vous entretiens pas souvent de celles qui se donnent chez son Excellence, puisque de la manière dont ce duc et cette duchesse vivent et dont ils reçoivent tous les soirs les personnes de distinction qui vont chez eux, on pourrait dire que ce sont autant de fêtes que les repas qu'ils donnent chaque jour. Ils vivent avec un éclat, une magnificence et une grandeur qui, étant née avec eux, n'a rien de gênant ni d'incommode. » Ces fêtes ont toute une raison d'être et prennent plusieurs formes. Pour les plus importantes et les plus spectaculaires, elles ont pour intention d'impressionner un grand personnage. Elles se font donc en l'honneur d'un ou plusieurs membres de la famille royale, le plus souvent Louis XIV lui-même, qui en est le principal destinataire. On a bien évidemment en tête la fête de Sceaux en 1685, où Racine et Lully s'illustrèrent, ou encore celle du prince de Condé, celle que le prince de Condé a offert au dauphin en 1688. Donc je passe sur ces fêtes de 1685 et 1688 qui ont fait l'objet de grandes descriptions dans le Mercure. On peut d'ores et déjà noter que ces événements démontrent une certaine versatilité du divertissement et un changement du centre de gravité. À travers la chronologie retenue, 1682-1715, elle s'adresse essentiellement dans la première partie à Monseigneur le Dauphin, puis dans un second temps, avec l'arrivée de la princesse de Savoie en 1696, elle vise à distraire la jeune duchesse de Bourgogne qui n'en demandait pas moins. La princesse est en effet souvent à l'instigation des divertissements qui sont organisés pour elle. Il en est ainsi de la célèbre fête organisée par Marie de Maupoux, épouse du chancelier de Pontchartrain, déjà évoquée le 8 février 1700, et qui a déjà été décrite notamment lors du colloque qui s'était tenu à Bruxelles il y a un an ou deux ans peut-être. Pour les autres fêtes, moins spectaculaires, elles s'inscrivent dans un calendrier de divertissement ordinaire qui scande la vie des élites. Que ce soit des fêtes en l'honneur d'un mariage, des divertissements relatifs aux grandes fêtes de l'année, voire les mascarades fréquentes au moment du carnaval en février, qu'on a évoqué tout à l'heure, ou de simples visites de courtoisie à tel ou tel seigneur de la cour, elles ont toutes un but bien précis. Leur déroulé et leurs caractéristiques donnent de nombreuses informations qu'il convient désormais d'examiner. J'en viens donc maintenant à un essai de typologie, et nous l'avons dit, les fêtes sont données en diverses occasions. Elles se répartissent toutefois grossièrement en deux catégories, j'ai fait assez simple, les ordinaires et les extraordinaires. donnant lieu à une gradation dans la somptuosité et les différents divertissements proposés. Dans ces premières, les plus communes, dans le sens où elles sont obligatoires, se tiennent les réceptions données à l'occasion des noces. Celles-ci revêtent plus ou moins d'éclat, suivant l'importance que les protagonistes veulent bien leur donner. Il n'en est ainsi pas de même pour un mariage princier ou un membre de la famille royale que des unions de courtisans, fussent-ils les plus importants de la cour. Parmi les prestigieuses unions, mentionnons notamment celle déjà évoquée, donc je passe, de François-Louis de Bourbon-Conti avec la petite-fille du grand Condé, Marie-Thérèse de Bourbon-Condé. La noce se déroule, comme nous le rapporte le marquis de Sourche, en quatre étapes. Le lendemain, c'était le lendemain du contrat de mariage, le roi et toute la cour alla voir la mariée sur son lit. Et le second jour, toute la maison s'en alla à Paris pour mettre la mariée en possession de l'hôtel de Conti, où le prince, son époux, donna le lendemain un régal de musique et un magnifique souper à Monseigneur. Le prince organise une importante réception en son hôtel parisien sous la direction de son secrétaire des commandements, Jean de la Chapelle. Celui-ci, élu seulement quelques jours auparavant à l'Académie française, au fauteuil d'Antoine Furtière, je cite le Mercure, avait le soin et la conduite de toute la fête. Il fit donner un opéra en forme d'épithalame et dont la musique était de Lully. Monseigneur en repartit pleinement satisfait. Parmi les mariages, on peut aussi signaler ceux des familles ministérielles et parlementaires qui, dans leur déroulé, ont pour objectif de mettre en avant la parfaite réussite familiale. Il en est ainsi en 1694 de Marguerite de Louvois, donc fille du défunt secrétaire d'État de la guerre, le marquis de Louvois, avec le marquis d'Alincourt, futur troisième duc de Villeroy, de Jean-Baptiste Desmarais de Maillebois, fille du contrôleur général des finances Nicolas Desmarais, avec Louise-Marie Emmanuelle d'Allègre en janvier 1713, ou encore celui de Jean-Antoine de Même, déjà évoqué, donc pivot de Sceaux, alors simple président au Parlement de Paris, pas encore premier président, avec Marie-Thérèse Fédot de Proue en mai 1695. Tous ces mariages font l'objet d'une recension plus ou moins complète dans le Mercure Galant, mais aussi chez différents mémorialistes, non sans humour parfois, comme le témoigne le 19 avril 1694, le récit amusé et ironique de la marquise de Sévigné à propos du mariage de la fille de Louvois qui, après avoir été présentée pendant plus de 3 mois à tout son public, était... s'étonne qu'elle n'ait pas été pillée comme un banquet dans une fête, tellement elle était couverte d'or comme le roi Midas. Si ces trois mariages eurent tous un certain lustre, ils ne furent pas autrement comparables à celui qui se fit entre Maximilien Philippe-Joseph de Recourt, comte de Rupelmonde, avec Marie-Marguerite Élisabeth d'Allègre, sœur de la future comtesse de Maillebois qu'on a évoquée à l'instant. La pompe déployée tenait au fait que le marié était sujet du roi d'Espagne et donc que le duc d'Albe, qu'on a déjà évoqué aussi, tient à s'en mêler. Le Mercure consacre alors une vingtaine de pages à l'événement pour évoquer l'accueil que réserve à l'ambassadeur d'Espagne, non seulement pour la cérémonie dans la chapelle de son hôtel, mais aussi la réception qui fut, je cite, « une des plus grandes fêtes que l'on ait vues à Paris depuis longtemps ». Avec jeux, concerts, soupers, bals, etc. Le duc d'Albe respectant ainsi son rôle de roi de la fête parisienne, si on peut s'exprimer ainsi. Parmi les divertissements ordinaires, on peut aussi évoquer en deuxième lieu ceux organisés dans les appartements des courtisans au château de Versailles, tel celui dont j'évoquais tout à l'heure Madame de Montespan, celui que offre donc la sultane des Sues à Monseigneur et à l'ensemble de la cour le 21 février 1685. Les courtisans descendent dans son appartement qui vient d'être réaménagé de l'appartement des Bains, qui était l'ancien lieu des plaisirs du roi et de Madame de Montespan, mais qui a été aménagé en appartement, et où elle reçoit, en ayant installé tout un décor de la foire Saint-Germain, où tout le monde est décoré, tous les princes du sang, voilà, les princes, essentiellement d'ailleurs les enfants de Madame de Montespan et du roi, sont déguisés en marchands, etc. Et donc, on a l'impression de se retrouver à la foire de Saint-Germain. En fait, il semble bien plus que cette fête ait été organisée directement pour le roi, de la part de Madame de Montespan, puisqu'il s'y est rendu quand même en présence d'une partie de la cour. Malgré son nouveau statut, la sultane, donc, priait encore par ses dons d'organisatrice de festivités. Ces exemples de mascarades, de bals privés, de jeux, de concerts, etc. peuvent être multipliés à l'ensemble de la période, pardon, et je vous invite à faire une étude systématique chez Dangeau, Sourche, Le Mercure, etc. Et on voit régulièrement ces petits foyers de la cour. J'en viens maintenant aux fêtes extraordinaires et après ces fêtes privées, limitées en type de distraction, on peut évoquer donc ces fêtes, c'est-à-dire sortant de l'ordinaire. reprenons le terme extraordinaire, sortant de l'ordinaire. Celle-ci se déroule généralement dans des espaces beaucoup plus spacieux afin de permettre des divertissements plus élaborés. Il s'agit d'événements organisés pour des occasions spéciales, naissance princière, baptême princier, victoire militaire, etc., et accompagnent une liesse et une ferveur populaire. Le long règne de Louis XIV est jalonné par ces épisodes, et même si la période de 1682 à 1715 commence à connaître un déclin dès 1688, les exemples ne manquent pas. On peut s'attarder sur celle donnée par Louis-Alexandre Bontemps en 1704 et celle du duc d'Albe en 1707. Toutes deux se firent à la naissance d'un héritier royal. Pour la première, le premier valet de chambre du roi célébrait la naissance du premier duc de Bretagne, donc le fils des ducs et duchesses de Bourgogne, premier arrière-petit-fils de Louis XIV, donc c'est, il faut remonter quand même à quelques siècles en arrière pour retrouver une telle situation, et encore, même, je ne crois même pas qu'il y ait eu cette situation. Et le commensal organisa avenue de Paris, depuis sa maison, un défilé d'un char monumental qui est parti de chez lui au bout de l'avenue de Paris, ce qui correspondait à l'époque à ce qu'on appelait Montreuil. Et pour s'achever sous les fenêtres de l'appartement du roi et de Madame de Maintenon au château. Le spectacle consistait essentiellement en un défilé d'un char avec, sur lequel se tenait le dieu Mars, célébrant les victoires de Louis XIV et de ses armées. Il avançait, je cite, « parmi le bruit des timbales, des trompettes, des fifres et tambours ». L'effet de la machine fut à son comble lors de l'entrée du char et de son escorte dans la cour du château, ce qui donna lieu à divers feux et illuminations. La seconde fête est celle organisée en septembre 1707 par le duc d'Albe à l'occasion de la naissance de Louis Ier d'Espagne, premier fils de Philippe V, le 25 août à Madrid. On atteint alors un véritable sommet en septembre, puisque cette naissance de l'enfant donne lieu à d'importantes célébrations mises en place par le diplomate à son compte, dans la capitale. Elles sont si importantes que Madame de Maintenon ne peut s'empêcher de le signaler à la princesse des Ursins à Madrid, où elle lui a écrit « On vous a ramendé sans doute la magnifique fête de Monsieur le Duc d'Albe. J'avais grand regret à une telle dépense dans l'état où l'on est par rapport à l'argent. » En fait, on est en 1707, au plus fort de la guerre de succession d'Espagne, et Madame de Maintenon s'inquiète de l'argent qui est dépensé par un sujet espagnol pour cette fête. L'ambassadeur, déjà loué maintes fois par le Mercure pour la qualité et la somptuosité de ses fêtes, se surpasse en effet à cette occasion. Le journal ne consacre pas moins de 50 pages à ces festivités qui s'étendent à Paris pendant 3 jours à partir du 4 septembre. L'affluence fut considérable et le duc d'Albe eut recours aux bons soins du marquis d'Argenson, lieutenant général de police, qui lui envoya les gardes de la maréchaussée pour maintenir l'ordre aux abords de son hôtel. Donc là, vous voyez, on est vraiment à la frontière du public et du privé, puisque c'est organisé véritablement par le duc d'Albe pour un événement public, et on fait appel aux autorités publiques pour contenir la foule. Les festivités comprirent souper somptueux, dont le détail s'étend sur plusieurs pages, feu et illumination, jeux, collations, symphonies, etc. Les invités se comptaient par centaines, je parle des invités à table chez le duc d'Albe. Et tous les ambassadeurs avaient été conviés. Leur ravissement fut total et dès le deuxième jour, rapporte le marquis de Dangeau, je cite, « Le roi à son dîner se fit compter par le maréchal de Boufflers le détail de la fête du duc d'Albe à Paris, qui fut superbe. Il y aura 3 jours durant, toujours divertissement nouveau. L'ordre y est fort grand, on y a jeté de l'argent au peuple. » Le dernier échelon dans ces fêtes extraordinaires était celui qui concernait les fêtes organisées à l'occasion de la venue du roi chez l'un du roi ou de l'un des membres de la famille royale à ses divertissements. On les a aperçus au cours du colloque. Et avec ce type d'événement, on atteint ici le sommet de ce que pouvait espérer tout courtisan, recevoir le roi chez soi, ce qui était considéré comme un honneur, comme le mentionne chacun des récits recensés. Cela prenait une toute autre dimension, car la fête se tenait généralement à la campagne, dans un château avec jardin, ce qui démultipliait les possibilités de divertissement. Tout cela n'était pas sans contrainte et imposait une mécanique bien rodée. En effet, la visite était plus ou moins annoncée et il y a lieu parfois de se demander si le roi ne s'amusait pas dans ses venues chez tel ou tel personnage. On en a pour preuve notamment le 2 juillet 1685 quand le souverain décide de se rendre à Meudon chez Louvois. Voilà ce qu'on dit le Mercure qui dit « Ce ministre fut averti si peu de temps auparavant de la grâce que le roi voulait lui faire qu'il n'en eut pas assez pour le recevoir d'une manière qui pût répondre à la grandeur de son zèle. » Donc là, vous voyez, c'est chez Louvois. 15 jours plus tard, on est chez Seignelay, un Colbert. Et là, le Mercure écrit dans sa livraison « Sa Majesté l'en avertit quelques jours auparavant, afin qu'il eût le temps de se préparer à la recevoir avec toute la maison royale. » Donc vous voyez, je pense que Louis XIV, parfois, est un peu joueur. Le marquis de Livry dut lui aussi user d'ingéniosité, on a évoqué Livry et Monseigneur, les rapports avec Monseigneur, pour recevoir Monseigneur chez lui, car ce prince, ayant sa table qui le suivait partout, je cite, « ne veut point permettre qu'on fasse de la dépense pour lui dans aucun des lieux qui l'honore de sa présence. » Par conséquent, Livry, je cite à nouveau, le Mercure, fit travailler secrètement à quelques divertissements pour le régaler en le surprenant. Les visites se faisaient parfois aussi à l'instigation même des princes et princesses, curieux de découvrir un lieu réputé merveilleux et qu'on leur avait vanté. Il en fut ainsi, par exemple, de la promenade de la duchesse de Bourgogne à Passy, chez les ducs et duchesses de Lauzun, en août 1702, où, selon le Mercure, elle avait souhaité voir la maison. Ou encore de la venue du couple princier chez M. d'Armenonville, au château de la Muette, en septembre 1707, qui, toujours selon le Mercure, en ayant ouï parler comme d'un lieu qui méritait d'être vu, résolurent d'y aller. Et même si cette dernière visite ne fut pas annoncée, Joseph Fleuriot d'Armenonville, capitaine du château de la Muette et des chasses du bois de Boulogne, s'en tira à merveille, puisque, nous dit le Mercure, il se doutait qu'il aurait un jour l'honneur de recevoir cette auguste compagnie dans cette agréable maison. Donc je ne vous passe pas tous les détails, mais tout est prêt. Vous avez les fusées qui étaient à la cave, on les sort pour le roi qui arrive, même si on parle de surprise. La demande de réception pouvait être aussi plus pressante et émaner directement du roi lui-même, comme lorsque Louis XIV somma le cardinal d'Estrées de recevoir ses deux petits-fils, les ducs de Bourgogne et de Berry, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Alors, était-ce pour voir les restes de la sublime fête qui s'était tenue quelques jours auparavant, pour célébrer la naissance du duc de Bretagne, et dont le père ménétrier a laissé une importante description? Quoi qu'il en soit, l'homme d'église se plia de fort bonne grâce à la requête, et rapporte d'Anjou le 4 août 1704, leur fit l'honneur de sa nouvelle demeure, tout en terminant que ça lui avait quand même coûté 10 000 écus. Donc il y a cette notion importante que j'essaie de mettre en avant, de qui paye la fête, pour essayer de déterminer, donner un élément de typologie pour savoir jusqu'où on comprend les fêtes privées et fêtes publiques. J'en viens à un dernier aspect sur les secrets d'une fête réussie. Si les courtisans se démenaient ainsi, ce n'était pas en vain, car ils escomptaient bien que leur effort soit reconnu. Pour parvenir à la réussite complète de leur fête, plusieurs ingrédients, à en croire les sources, étaient indispensables. Le côté spectaculaire, qui a été mis en exergue par le propos de ce colloque, ne suffisait pas, même s'il était gage, évidemment, de succès. Pour le respecter, les descriptions détaillées, généralement celles du Mercure galant, mettent tout en avant l'importance et la qualité du luminaire, lustre, girandole, torchère, illumination, etc. Alors, c'était pas totalement anodin, puisque l'éclairage coûtait fort cher et tout ce qui assurait la clarté dénotait une certaine aisance financière. La logistique devait aussi être à la hauteur et les plus grands artistes et artisans étaient généralement sollicités, ainsi les noms Lully, père et fils, pour la musique, des Bérin, pour les machines et différents décors, ou encore de Guillaume-Louis Pécourt comme danseur, etc., étaient régulièrement cités dans ces fêtes privées. La fête doit également mettre en avant l'idée de nouveauté. On a vu avec Guy Spillman l'idée de création, pour essayer de parler de foyer. Et cette idée de nouveauté, terme qui caractérise souvent les divertissements, quitte à tricher parfois avec la réalité. Lors de la réception du dauphin à Livry, en 1688, le Mercure galant évoque « Comme monsieur de Livry ne voulait donner aucun divertissement à monseigneur qui ne fût nouveau » et qu'il n'avait pas eu le temps de faire une pièce de théâtre, il en choisit une qui parut une nouvelle à ce prince parce qu'il ne l'avait vue que dans sa grande jeunesse. Rappelons que le maître mot de cette fête était de surprendre l'héritier du trône qui n'aimait pas, nous l'avons vu, être à la charge de ses autres. Malgré l'appel à une pièce de Molière, le divertissement fut parfaitement réussi puisqu'il fut repris quelques jours plus tard dans les mêmes dispositions. Autre nouveauté, on parle aussi donc de nouveautés technologiques, comme en témoigne lors de la fête de Sceaux organisée par Seignelay en 1685. Cette chaise, d'une invention singulière et toute nouvelle, elle était à quatre places et quatre parasols y étaient attachés. Rien n'est si commode et si doux que ces chaises parce qu'elles sont conduites par des hommes qui ne marchent point devant, mais qui sont de chaque côté de la chaise. La qualité se mesure aussi à l'aune du caractère exceptionnel de l'événement. Pour le repas donné en Sceaux en 1685, le marquis de Seignelay a pris soin de servir, je cite, « ce qu'il y avait de plus rare pour la saison ». Le caractère exceptionnel de l'événement poussait souvent les autres à faire des folies, comme en réalisa le prince de Condé en août 1688 avec la venue à Chantilly de Louis de France. Je cite à nouveau le marquis de Sourche qui écrit « Le 22 août, Monseigneur le Dauphin partit de Versailles en poste pour s'en aller à Chantilly où il devait séjourner 9 jours et où Monsieur le Prince lui avait préparé tous les divertissements qu'il avait pu imaginer. L'appareil de cette fête était très magnifique et le bruit courait qu'il en coûterait 100 000 écus à Monsieur le Prince. » L'exceptionnel résidait non seulement dans le phase des festivités, mais aussi, précise le marquis de Sourche, par le fait que le fils de Louis XIV n'avait jamais été si longtemps en maison étrangère. Enfin, le mémorialiste note que la fête eut un coût moindre, mais que pour 100 000 livres, cela paraissait possible. Une idée, un hôtel particulier à Versailles, à Paris, à ce moment-là, c'est 50 000 livres. Un hôtel particulier, pas des Conti ou des choses comme ça, mais un hôtel particulier correct. Le côté spectaculaire ou exceptionnel devait néanmoins être modéré et ne surtout pas, semble-t-il, indisposer le souverain. Le Mercure Galant prend bien soin de noter que Louis XIV vit à Sceaux en 1685 une enfilade de 8 ou 9 pièces fort proprement meublées, mais avec plus de bon goût que de richesse, ou plutôt avec une modeste magnificence. Le souvenir de la fête de Vaux, offerte au roi par le surintendant général des Fouquets, n'était pas si loin et il fallait surtout pas indisposer le roi. La fête doit aussi être une parfaite harmonie où règne propreté, galanterie, abondance, termes qui reviennent régulièrement dans les descriptions. Elle doit être aussi sans confusion. Et là, c'est important pour la notion de public-privé. En en limitant l'accès pour en garantir la jouissance des plaisirs. Ainsi, toujours à Vaux, l'on peut dire que le premier que Sa Majesté goûta en entrant dans Sceaux fut celui de s'y trouver qu'avec sa cour ordinaire et d'être assuré que les divertissements qu'on lui avait préparés seraient pour elle des plaisirs tranquilles. L'harmonie s'entend aussi par la convocation et le ravissement des sens, la vue avec les éclairages et les effets spectaculaires, l'ouïe avec les pièces musicales, le goût avec les repas raffinés ou encore l'odorat avec la fleur d'oranger qui est régulièrement mentionnée. L'ivry y parvient parfaitement bien lors de la réception de Monseigneur car le Mercure écrit « Il y eut pendant ce repas de quoi satisfaire en même temps l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût ». Enfin, la marque complète de la réussite est le satisfecit royal ou princier à l'issue de la fête. Et dans les nombreuses fêtes que je vous ai évoquées, dans lesquelles sont venus ou le roi ou les membres de la famille royale, c'est mentionné pour dire qu'un tel a été fort satisfait de la fête. Conclusion. À travers cette intervention, s'est dessinée une typologie qui, grossièrement et avec quelques éléments, dégage 4 types de fêtes qui se répartissent en 2 catégories. Dans les fêtes ordinaires se tiennent 1. Les noces, les fêtes de mariage, 2. Les fêtes d'appartement, au sens large. Et dans les fêtes extraordinaires, on peut compter les fêtes données à l'occasion d'un événement particulier, et enfin, les fêtes organisées à l'occasion d'une visite royale ou princière qui représente l'apothéose pour les courtisans ainsi honorés. Il existait bien évidemment divers degrés et échelons dans ce classement. De même, n'oublions pas non plus les fêtes inclassables ou ordonnées pour le simple plaisir, ça existait aussi quand même, il n'y avait pas que des buts de courtisanerie, comme celles données par l'anglais, par exemple, le 13 mai 1685. Enfin, j'aimerais terminer sur un archétype, du moins un ovni, de la fête privée, qui reste toutefois un exemple inouï. C'est celle que donnèrent Jules Hardouin-Mansart et ou son fils à Marly en 1699 et 1704. Nous n'en avons aucune description précise en l'absence de mention chez Dangeau, dans la Gazette de France ou le Mercure Galant. À l'exception des notes postérieures du frère Léonard de Sainte-Catherine de Sienne, seul le marquis de Sourche, comme source contemporaine, et sans doute comme le grand prévôt de France et donc en charge de la sécurité et de la police de la cour, était au courant de cette fête, évoque la fête tenue dans la résidence royale la plus privée en 1704. Sans la présence de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il faut imaginer Jules Hardouin-Mansart en train d'organiser une fête privée chez le roi à Marly. Cela démontre tout le caractère privé et secret de l'événement, qui d'ailleurs n'est pas totalement passé inaperçu auprès du roi, si tant est qu'il ait été informé, puisque Jules Hardouin-Mansart devait sans doute se glorifier de sa charge de surintendant des bâtiments et penser pouvoir peut-être organiser ce genre de fête. Et voilà ce qu'en dit Sourche, je termine par cette citation. « Ce jour-là, Mansart, surintendant des bâtiments, donna à Marly un grand repas au duc de Richelieu et à plusieurs personnes considérables de Paris. Et comme à l'occasion de cette fête, les jardins de Marly furent ouverts à tous les honnêtes gens. Il s'y trouvera plus de 500 carrosses. On parla beaucoup de cette fête, de Mansart et de la manière avec laquelle il l'avait exécutée. Et le roi même lui en parla longtemps à Marly, lorsqu'il s'y alla promener le lendemain. Donc vous voyez, on ne sait pas ce qu'on a pensé Louis XIV, c'est une des seules mentions. Je remercie Benjamin Ringo qui est dans la salle, qui m'a signalé cette fête. Et voilà. Donc, merci beaucoup.